Attention, attention. Ouais, ouais. Les prisons, il est plus que temps d'en parler. Les journées nationales sont là pour nous le rappeler. Cette année, elles s'intéressent aux personnes enfermées. Même les plus proches sont trop souvent oubliés. Malgré que beaucoup subissent les conséquences des gens incarcérés. Vas-y, vas-y, faut en parler. En Belgique, plus que 76 000 personnes touchées pensent à eux avant de nous enfermer et nous mettre des putains de préjugés. Les prisons, parlons-en. Les journées nationales de la prison, il est temps d'en parler. Ouais, vas-y, vas-y. Attends, faut... Les JNP, c'est quoi? Les Journées Nationales de la Prison travaillent à la prise de conscience collective de la situation carcérale en Belgique. Cette année, on s'intéresse aux détenus et leurs proches dont on parle trop peu souvent. Curieux? Envie de vous investir? Une idée à partager? Parlons-en du 18 au 28 novembre. Tout le programme sur le site www.jnp-ndg.be ou le Facebook Journées Nationales de la Prison. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous nous écoutez en direct au Brassard à Molenbeek ou vous nous écoutez sur les radios associatives. Bienvenue à tous, nous sommes dans une émission de radio pour parler des Journées Nationales de la Prison consacrée au thème des familles, comment vivent les proches des détenus à la situation carcérale. Nos invités du jour. Nous avons autour de la table plusieurs personnes. Bonjour Myriam, bonjour Nadia, bonjour Maïté. Bonjour. Vous êtes maman et épouse de détenus. Et puis nous avons aussi Martin Dubois et Stéphania Perini du relais parents-enfants qui accompagnent donc les parents et leurs proches pour faciliter la relation familiale en prison. Je vais directement me tourner vers Maïté. Maïté, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Une fenêtre entre deux murs ». Femme de détenue, un témoignage de votre réalité de femme de détenue. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Dans ce livre, j'invite le lecteur à se mettre à la place d'une simple femme qui, à un moment donné, se voit attribuer l'étiquette de femme de détenue et donc qui découvre pour la toute première fois le milieu carcéral et l'enfer qui tourne autour de ça. Et, donc voilà, il découvre vraiment les émotions, et tout ce qu'il y a autour de ça. Votre première visite en prison, vous vous en souvenez, j'imagine? Comment oui. C'était J'en parle justement dans l'un des chapitres. C'était, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu la sensation d'être sortie de l'enfer. Déjà, quand vous débarquez dans cet univers, personne ne vous apprend quoi que ce soit. Vous faites directement partie d'un mécanique dont vous ne connaissez aucune règle. Et on vous traite directement comme si vous faisiez partie des meubles et comme un objet. Myriam et Nadia, vous êtes aux côtés de Maïté. Vous en souvenez aussi de cette première, de ce premier contact avec la prison? Je suis tout émue et choquée jusqu'à présent. Ça fait 5 ans que j'ai mon fils qui est incarcéré. Et avant d'être incarcéré, il a pris 4 balles dans le corps. Juste pour un outrage violent à la circulation. J'ai des jumeaux, un garçon et une fille, de 26 ans. J'ai mon fils, donc qui est incarcéré. Étant mineur, je me suis mariée très jeune avec leur papa, à l'âge de 15 ans. Et finalement, je suis restée 12 ans avec lui pour que ce monsieur se permette de se marier avec ma petite sœur. Donc j'ai dû quitter la France avec mes jumeaux, ils avaient 4 ans. Je me suis battue. Ils ont été dans les meilleures écoles à Audu et Saint-Lambert. Mon fils a eu 29 sur 30 à son CEB. Il était dans les écoles en humanité, dans des écoles, enfin des hautes écoles. Mais arrivé son adolescence, sachant le père ce qu'il avait fait, Yacine avait du mal à avaler ça. J'ai tout fait avec mon fils. J'ai envoyé à l'armée, j'ai envoyé au Maroc pour retrouver ses racines. Je lui ai payé sa voiture, je lui ai payé son permis. Mais Yacine n'arrivait pas à faire passer... ce problème que le père s'est remarié avec ma petite sœur et qu'ils ont eu des jumeaux aussi et que moi, ils ne regardaient même pas les siens. Enfin, soit. Donc Yacine a été renvoyé finalement des écoles. Je l'ai rapatriée en France près de chez son père, pensant que je lui ai pris un appartement, je lui ai mis une voiture à disposition. Un an après, il a voulu revenir à Bruxelles, en 2013, donc la période des fêtes. Il a décidé un dimanche de sortir. Il est arrivé de la France avec une Golf 4 VR6 matriculée français. Je lui ai dit, mais non, c'est une voiture de voyou. On va cette voiture, la première, c'est la première qu'on va arrêter, Yacine. Non, mais maman, je vais l'assurer. Elle n'est pas assurée. Je suis venue lui mettre des plaques transit, puisqu'à Bruxelles, on fait que ça. Et je lui dis, Yacine, s'il y a un contrôle, tu t'arrêtes. Tu n'as rien fait. Oui, maman. Finalement, il sort avec ce véhicule. Il arrive ce qui arrive, place Barra, une Passat se met derrière son véhicule, elle voit la Golf 4 matriculée français, pour eux c'est des voitures de bélier, des voitures de voyous, il avait juste le véhicule qui n'était pas assuré. Dans sa tête de gamin, il ne voulait pas qu'on lui prenne ce véhicule. Donc quand il a vu la Passat derrière mettre les gyrophares, il a accéléré de la place Barra à la rue Barra pour rattraper l'autoroute pour rentrer en France, sachant qu'en France, il sait qu'on ne peut pas lui prendre son véhicule. Arrivé dans la rue Barra, c'est une rue à sens unique. Là, il se retrouve coincé entre un feu rouge avec deux voitures devant. Au milieu, lui coincé, il ne peut plus avancer. Une Passat derrière et les renforts sont arrivés devant, donc complètement coincé. Les policiers sont descendus du véhicule en derlec et ils ont immédiatement tiré la première balle qui a touché le cœur. Donc, je ne vois pas pourquoi on lui tire déjà la première balle qui touche le cœur. C'est pas suffisant, on lui en retire trois autres balles. Donc il a reçu 4 balles, donc une dans le cœur, tous ses organes vitaux touchés. Des lumières bleues, de cauchemar, bien trop de flics, trop de contrôle. Personne dehors, peur de quoi? Ce monde malade, j'en ai marre. Il se peut bien qu'un jour il saute. Police contrôle, police contrôle, police contrôle, police. Police contrôle, police contrôle, police contrôle, police. Et Marie-Hélène, Myriam, je suis désolée, vous êtes une aventurière, une aventurière très seule. Oui. Parce qu'en fait, les proches des détenus manquent d'un accompagnement. Je suis seule à les visiter. Voilà, et ça peut-être, je renvoie la question à Maïté. Est-ce que toi aussi, tu te sens seule face à cette situation dramatique d'avoir un proche en prison ? Ben oui, quand on a un proche en prison, inévitablement, on est très seul. Maintenant, certains détenus ont la chance d'avoir une famille autour d'eux, mais il faut savoir qu'il y a plein de détenus qui n'en ont pas. En tout cas, quand on essaie d'aborder le sujet de l'incarcération en société, c'est clair qu'on se trouve devant des portes complètement closes. Et justement, le relais parents-enfants, Vous veillez à faire ce lien entre les familles des détenus à l'extérieur et les détenus à l'intérieur. Stéphania Perini, quel est votre rôle ? L'incarcération d'un parent est toujours un événement traumatisant. Donc nous, en tant qu'association, on s'occupe d'emmener ces enfants vers leurs parents et on tente, autant que faire se peut, de reparentaliser le détenu. Donc je pense qu'il y a une perte de pouvoir, une perte décisionnelle. Et que pour l'enfant, c'est un vrai traumatisme. On a entendu 2 témoignages assez poignants de femmes, de détenues ou d'une maman. Et pour ces enfants, en fait, ils ne vont pas pouvoir parler parce qu'ils n'ont pas les capacités, soit cognitives au niveau de l'âge. Donc ils vont grandir avec cette absence. Et nous, on est là pour essayer de détraumatiser, de leur faire comprendre que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, qu'ils ne sont pas abandonnés aussi par leurs parents, parce que je pense qu'un enfant combine mieux avec un parent imparfait qu'avec un parent absent, parce que du coup, il culpabilise. Donc nous, on est là, on est une équipe spécialisée de psychologues qui intervenons directement et accompagnons ces enfants en prison. Et Maïté, on l'entend d'ailleurs, tiens, un enfant. Est-ce que tu peux nous raconter les visites en prison Quand je me rends donc en visite, j'ai la sensation qu'on m'invite continuellement à presque maltraiter mon enfant. On me demande de le poser sur une table en bois. On me donne un maxi-cosy rempli de vomi de tous les autres enfants. On m'invite à le changer sur une table de change qui est fendue noire avec étoiles d'araignée. Plein de choses comme ça qui, pour moi, sont inacceptables. Maintenant, en ce qui concerne les visites en soi avec son père, en visite commune, c'est pas toujours évident parce qu'il est attiré par tout ce qui bouge. Et donc, le lien est difficile à créer avec le père. Par contre, en ce qui concerne les VHS familiales, donc qui sont les visites hors surveillance, Là, il y a vraiment quelque chose qui peut se créer entre le parent détenu et l'enfant. Mais le problème, c'est qu'on a droit à peu près 3 par mois qui durent 2 heures. En gros, on a le temps de s'installer et puis de repartir. Oui, les visites VHS, c'est sous condition. Martin Dubois, j'imagine que vous plaidez aussi pour qu'il y ait davantage de... Martin Dubois du Relais Parents-Enfants, davantage de visites hors surveillance qui permet une plus grande intimité ou en tout cas une plus grande proximité entre les enfants et leurs parents. Nous plaidons que les enfants puissent voir leurs parents dans le maximum possible. Il y a beaucoup à faire pour que les prisons d'abord soient mieux équipées pour accueillir ces jeunes personnes. Elles ne sont pas conçues pour cela. Alors, ces enfants ont des droits, tout enfant a le droit de voir ses parents, que son parent soit détenu ou pas. On va écouter une chanson qu'on a pu entendre aux 20 ans de l'OIP. C'est un groupe qui s'appelle Toff et Nanoche. C'est une chanson sur vous, sur les femmes de détenus. Quand un homme tombe en prison, il n'est pas tout seul dans la galère, c'est toute la famille qu'on incarcère. Ce soir, je plaide coupable pour la femme irraisonnable qui n'écoute que sa passion et accompagne l'homme en prison. Elle se range de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. Elle se range de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. Assise à un bar, devant un café noir, une femme surprend un souvenir flottant à la surface de sa tasse. Café brûlant, souvenir tout autant. C'était il y a, il était une fois, un homme prisonnier depuis tant d'années. Un jour, un grand jour, il fut libéré. Elle alla le chercher à la tombée du jour. Ils se tombèrent dans les bras, riant, pleurant de joie. Mon amour, tu es là, non, j'y crois pas. Serre-moi fort, ne lâche plus mon corps. Cette nuit est si belle. Cachons-nous dans un petit hôtel. Devant son kawa, la femme revoit l'hôtel sur la place. Ce lit qui l'est cueilli, ébloui, ébahi, de ne pas être mort, d'être ensemble encore. Cette nuit de liesse leur rendait le droit de baiser, sans qu'une loi n'interdise leur caresse. Mais ils furent surpris par tant de manques creux du lit qui ne les lâchaient point. La prison n'était pas assez loin. Liberté, il s'y était jeté sur ce lit tendu. Termine son café, la gorge serrée. Tant de manque les trains, la prison ne sera jamais assez loin. Trop d'hommes, trop de femmes, trop longtemps séparés. Ça fait combien d'âmes désemparées? Tous les deux, c'est du bol, ils en sont sortis. Le prix de ces années folles est affiché dans un cri. Le cri qu'elle entend, enfermé mais vivant. Le cri condamné à perpétuité. Le cri qu'elle entend, enfermé mais vivant. Le cri condamné à perpétuité. Quand un homme tombe en prison, n'est pas tout seul dans la galère, c'est toute la famille qu'on incarcère. Ce soir, je plaide coupable pour la femme irraisonnable qui n'écoute que sa passion et accompagne l'homme en prison. Elle se ronge de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. Elle se ronge de l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur. La femme s'est levée, elle s'est éloignée. Un cri s'est noyé dans un petit café. Contre quoi êtes-vous en colère en tant que proche de détenus, Maïté, Nadia ou Myriam, au choix? Contre le système incarcéral. Il n'y a rien qui est fait pour... je ne dis pas, vous avez fait une bêtise. Vous devez payer votre dette envers la société. Je suis une maman et la première à le dire. Mais il ne faut pas oublier que ces jeunes-là sortiront un jour et que moi, je vois mon fils incarcéré depuis 6 ans maintenant, depuis ses 20 ans. Il a 26 ans. À part tourner autour de la table dans sa cellule, il n'y a aucun suivi, d'autant plus que moi, il a reçu des balles dans le corps, tout ce qu'il a eu. C'est absolument nécessaire qu'il ait un suivi. Il n'y a aucun suivi psychologique, aucune. Dernièrement, il y a eu une assistance sociale. J'ai demandé d'ailleurs à la rencontrer, puisqu'elle lui refait son procès. Quand il se retrouve face à elle, c'est pour lui refaire son procès. Donc, une assistance sociale, c'est censé normalement lui donner des directions pour essayer de s'en sortir. Et puis, ben voilà, quoi. Donc, depuis 6 ans, il n'y a aucun suivi. Pas de psy, pas de... Chaque fois, ils lui disent qu'il y a une file d'attente, ou c'est les vacances, ou il n'y a jamais... Enfin, moi, je suis outrée en tant que maman. Si moi, je suis la seule personne à visiter mon fils, je vous garantis que si moi, je n'étais pas là, je ne suis pas fière de dire ce que je vais dire, mais il sortirait une bombe humaine. Je vous garantis. Déjà qu'il a reçu 4 balles dans le corps. Je dis pas que je lui dis jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas une victime, il fallait respecter la loi et t'arrêter. Mais de là à recevoir 4 balles dans le corps, directement incarcéré, donc ces 4 balles, c'est pour un outrage violent à la circulation sans assurance. Malheureusement, j'ai un fils qui a fait que ça comme bêtise dans les voitures, donc il a commencé à 17 ans à me piquer mes clés. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait absolument que je lui fasse passer son permis, je lui achetais un véhicule, mais il a commencé, la spirale pour moi a démarré avec les véhicules. Et donc, à cet âge-là, il avait déjà pas mal fait des bêtises avec les véhicules, mais malheureusement, la loi leur fait beaucoup de cadeaux étant mineur, étant jeune, beaucoup. Moi, j'aurais préféré qu'on sanctionne immédiatement, une fois pour toutes, très fort, pour qu'ils puissent avoir peur, mais non, on leur fait des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et donc, lui, il ne se rendait pas compte ce que c'était des sursis. Pour lui, c'était on l'a laissé sortir, donc c'est rien. Et finalement, ben, dernièrement, la dernière peine, eh ben, il a pris 18 mois plus 4 balles, plus tous ses sursis qui sont tombés. Il est arrivé, figurez-vous, à 13 ans de prison, plus 4 balles dans le corps pour des outrages à la circulation. Et maintenant, il est incarcéré depuis 6 ans, aucun suivi psychologique, rien du tout. Donc, imaginez-vous dans quel état il va sortir. Je ne suis pas du tout d'accord pour ce genre d'acte, mais je comprends, moi, quand je vois ces gamins qui sortent après des années de prison et qui deviennent des bombes humaines, ben oui, parce que la société oublie que tous ces jeunes-là vont sortir. Et si on ne fait rien pour eux, ben voilà, imaginez-vous dans quel état. Moi, le mien, je vous garantis que si je ne suis pas là, c'est une bombe humaine. Maïté, tu voulais réagir? Placer un être humain face à 4 murs pendant des années sans aucun accompagnement ou qui doit attendre pratiquement 18 mois avant de rencontrer une seule fois un psychologue, je ne comprends pas où on va et je ne comprends pas comment on peut s'attendre à une bonne réinsertion sociale par après, alors que rien n'est mis en place. Et en plus, la population demande qu'on maltraite ces personnes. En donc, plus. Comment voulez-vous, si on a compris qu'en maltraitant un lit ou en cage, il en sortira enragé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce ne serait pas valable pour un être humain. Nadia, vous voulez réagir aussi? Moi, je voulais dire aussi que par rapport à la justice, il y a aussi le fait que certains détenus, parce qu'on parle des détenus pour l'instant qui ont vécu, qui sont primaires, mais je parle aussi concernant les détenus qui ont déjà eu plusieurs délits auparavant, eux ont encore moins de chance parce que, ben voilà, pour leur libération, ils utilisent à chaque fois leurs antécédents pour trouver des excuses pour ne pas les libérer ou alors reculer leur peine sans savoir que les personnes peuvent changer entre-temps, quoi. Et est-ce qu'en tant que proche de détenu, vous êtes informé des procédures judiciaires, informé des droits de vos proches sont en prison? Moi, je suis informée par rapport à lui, parce qu'il m'explique tout ce qui se passe par rapport au suivi de la prison et au suivi de la justice, de son avocat et tout ça. Mais sinon, je ne reçois aucun courrier du juge ou de la direction carcérale ou de ce psychologue. Non, on est informé de rien. Ils sont venus à la maison pour faire, parce que mon compagnon doit passer au TAP, donc ils sont venus pour faire une visite de domicile, parce qu'il va venir vivre à la maison. Eh bien, par la suite, j'ai dû les rappeler pour savoir ce qu'il en est, parce que je n'avais reçu aucun courrier, rien de leur part. Donc vous portez à bras-le-corps la situation de votre proche seul. Oui. Et puis, vous êtes là aussi dans un accompagnement, et ça, je ne sais pas si le grand public est au courant, un accompagnement très concret. Oui, c'est-à-dire la nourriture, l'argent, pour pouvoir, par exemple, passer des coups de fil. Est-ce qu'il y a l'une de vous qui peut raconter un peu ce quotidien Oui, au niveau de l'argent, moi, au départ, je lui envoyais de l'argent, mais bon, je gagne pas énormément. Donc, il a réussi à avoir une aide sociale via la prison. Mais le problème, c'est si ses parents, ses frères ou quelqu'un veut lui envoyer de l'argent, il ne reçoit plus rien parce qu'on lui retire tout ce qu'on lui a avancé. En fait, vu qu'un détenu peut survivre avec minimum 200 euros et vivre plus ou moins correctement avec 400 euros pour se nourrir, vous imaginez bien qu'un détenu qui ne travaille pas, donc la famille doit envoyer cet argent, plus l'argent qu'elle dépense pour les trajets, ce qui veut dire qu'en fait, 2, 3, 4, 5 personnes vivent sur un seul salaire. Et ça, c'est impossible. Oui. Je vois rien que le téléphone. Il me téléphone et quand il peut avoir un peu d'argent, il me téléphone. Il essaye de me téléphoner tous les jours, mais bon, il me dit qu'il faut compter la minute, 1,80€ l'appel à la minute. Hein. Auparavant, j'avais un téléphone fixe, c'était pas beaucoup moins cher en fait. Hein. Même on se dit de fixe à fixe, ça va être moins cher, mais bon, il n'y a pas beaucoup de centimes moins cher via le fixe au GSM, ce qui fait qu'à peu près par semaine, il dépense à peu près 20 à 30 euros pour me téléphoner 2 minutes par jour. Et puis, il faut aussi pouvoir être là, présente aux horaires de visite, des horaires qui vous sont imposés. Ça bouleverse votre quotidien. Comment vous vous Tout organisez? Tout dépend des prisons, en fait, parce que moi, où est mon compagnon, les visites sont entre 14h et 19h30 la semaine. Le week-end, c'est le matin et l'après-midi jusqu'à 17h30. Mais c'est vrai que certaines d'autres prisons, il y a des horaires fixes. Certaines prisons, on doit s'inscrire le matin pour aller l'après-midi. Ça nous bloque des journées complètes. En fait, on va s'inscrire donc à 6h du matin. Si on a de la chance, on peut avoir une visite à 11h du matin et sinon, c'est reporté à 14h. Donc, si on arrive en retard, de 2 minutes... Il y a une dame qui m'a raconté qu'il y a pas longtemps, sa famille est venue de Roumanie pour une VHS familiale. Ils sont arrivés en retard de 2 minutes et ils ont été recalés et ils ont simplement rentré dans leur pays. Puis il n'y a pas que les retards, il y a aussi, on l'a dit en première partie d'émission, par exemple à Saint-Gilles, les familles doivent attendre dehors. Comment on vit en tant que proche de détenus ces conditions d'accueil plus que déplorables? Ça fait peur d'aller à cette visite. Vous savez que vous devez faire une fille pendant 2 heures. Enfin, moi, ce qui me concerne, moi, ils font que me déstabiliser, c'est-à-dire que... Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire, puisqu'ils font que me le renvoyer de prison en prison. Actuellement, moi, ils me l'ont mis à Andenne, donc c'est 2h30 de route. Je loue un véhicule sur Drivey pour pouvoir aller le voir. Donc j'ai vendu mon véhicule pour assumer les besoins de mon fils et payer les avocats au départ. Et à la fin du mois, je suis expulsée. Je suis dehors, dans la rue, mais ça ne me dérange pas. Je continue à subvenir aux besoins de mon fils. Ma fille est sauvée, elle a son petit studio, elle travaille. Donc moi, je suis expulsée fin du mois pour continuer à subvenir aux besoins de mon fils. Puisque si je ne lui envoie pas un minimum de 400 euros, voire 500 euros par mois, le gamin ne mange pas, il ne fume pas, et là, c'est la catastrophe. Oui, donc c'est le coût financier dont on parlait. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Qu'est-ce qui vous... Mon fils. Je veux le récupérer. L'amour, l'espoir, et j'ai envie d'ajouter l'humour aussi, parce que sans humour, on ne tiendrait pas. On va écouter deux personnes, deux détenus, Joey et Jérémy, de la prison de Mons, qui nous parlent aussi de leur rapport aux proches, de l'intérieur, et qui rendent hommage à leur manière aussi, à leurs épouses et leurs mères. On va les écouter tout de suite. Nos femmes, c'est notre femme. C'est tabou, ça. Moi, depuis mes 16 ans, je suis avec ma femme. Elle m'a connu dans les centres, Everberg, Neuchâteau, Frépont. J'ai 28 ans, depuis 16 ans, depuis mes 16 ans, je suis avec elle. Voilà, c'est ça. Mon cousin, sa femme, elle vient le voir tous les jours. Voilà, c'est une maman, elle doit s'occuper de ses enfants, de la maison, du nettoyage. Et c'est peut-être là qu'il se rend compte que sa femme, vraiment, que c'est vraiment brave. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Il peut la remercier, tu vois. Sans elle, ben, je suis plus rien. Si maintenant j'ai plus ma femme, ben là, je pète les câbles. Je serai plus le même homme. Donc voilà, même les problèmes qui se passent en prison, des fois, la famille devant, elle subit les conséquences. Parce que, ben, imagine-vous, je vais me battre avec un détenu dans le préau, il va me défoncer. Dehors, ça va être une guerre dehors aussi. Mais c'est plein de problèmes qui se passent comme ça. J'ai vu blindés de femmes se faire défoncer là-devant, moi. Des femmes en sang qui sautaient par terre comme ça. Rien que parce que leur mari s'avait battu ici. Donc les femmes, ils se battaient avec leurs femmes. C'est bordel. C'est mal fait, quoi. Il faudrait des trucs un peu plus stricts. Bah, moi, j'expliquerai à ma femme, moi. Moi, mes frangins, ouais, mes frères, tout ça, ouais. Mais ma femme, je lui explique pas qu'est-ce qui est bagarre, tout ce qui se passe, comment on vit mal. On ne veut pas la même mal non plus. Elle sait déjà qu'on est mal, donc je lui explique pas. Ouais, par exemple, ça peut m'arriver, j'ai pas de cigarette. Je ne vais pas lui dire j'ai pas eu de cigarette pour ma soirée, nanani, nanana. Elle va se tracasser pour moi. Donc on tient tout pour nous. Donc c'est pour ça, des fois, les gens, ils ont des tensions. Après, ils sortent au préau et un petit déclic, voilà, ça part en sucette. Ouais, j'ai une copine, j'ai des enfants. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours. Vu que ça fait quand même quelques années que je suis en prison, que j'en ai encore pour quelques années, je comprends la femme qui, voilà. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils souffrent plus que nous. Parce que nous, on est des hommes, on a été habitués un petit peu d'être durs. Mais une femme, voilà, une femme, elle a besoin de son homme près d'elle. Les enfants, ils ont besoin de leur père près d'eux. Les mamans, ils ont besoin de leur fils près d'eux. Voilà, les gens souffrent plus que nous. Moi, quand je vois les yeux de ma mère, quand, voilà, j'ai vu que je les fais souffrir pendant quelques années, quoi. Ma mère, on va dire, oui, elle nous en veut, mais une mère, ça pardonne, qu'on va dire. Ça pardonne à tous ses enfants. Mais ils ont dur. Ils ont plus dur que nous. Parce qu'eux, ils s'imaginent la prison comme vous, en fait. Vous voyez, nous, les hommes de chez nous, ils savent c'est quoi la prison, donc ça va. Mais les femmes, c'est comme vous, elles se posent des questions. Est-ce que mon fils est comme dans les films? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort? Vous comprenez? C'est inquiète, voilà. C'est comme si vous avez votre enfant en prison. Voilà, c'est le bout du rouleau, c'est normal, c'est pour tous les parents la même chose. On va dire qu'on fait partie d'une communauté un petit peu malheureusement habituée. On s'habitue pas trop à ça, mais je vais dire, nous les hommes, moi, mon grand-père, il en a fait de la prison, mon père, il en a fait, mon frère, moi, c'est pas beau, mais voilà quoi. C'est comme ça, mais c'est quand même triste. Non, c'est pas une tradition. Ouais. Les Journées nationales de la prison travaillent à la prise de conscience collective de la situation carcérale en Belgique. Parlons-en du 18 au 28 novembre. Tout le programme sur le site www.jlp-ndg.be ou le Facebook Journée nationale de la prison. Alors on parle de la famille des détenus, des proches des détenus. des proches qui se conjuguent bien souvent au féminin. On a d'ailleurs trois femmes autour de nous. Ce sont en majorité des femmes qui composent les proches des détenus parce qu'il y a d'abord plus d'hommes en prison, mais aussi parce que, comme dans la société, ce sont les femmes qui prennent en charge les tâches familiales et domestiques, qui prennent soin de leurs proches. Stéphania Parini et Martin Dubois, excusez-moi. Est-ce que vous constatez aussi que c'est une majorité de femmes qui maintient ce lien familial, qu'elles sont vraiment centrales dans ce lien, ce maintien du lien ? Tout à fait. En fait, il faut savoir que 96% des détenus sont des hommes. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, ce sont effectivement les femmes qui maintiennent cette tâche, la charge familiale, la charge parentale, et aussi qu'ils se retrouvent donc dans des situations de monoparentalité, mais non avérées. Donc elles n'ont pas les doubles financements. En plus de ça, il y a un isolement, une stigmatisation de la société qui est clairement liée. Je pense que Maïté l'a dit assez justement avant, et le témoignage de l'autre maman aussi. Je pense que ces enfants, ces mamans ne vont pas bien, ne sont pas en forme, ne sont pas soutenues par la société. Et par effet collatéral, les enfants vont aussi moins bien, même si on a un magnifique bébé en face de nous. Donc ce n'est pas pour toi, Maïté. Mais ces enfants ont réellement besoin de se construire avec des regards bienveillants, neutres. Et c'est un peu le rôle qu'on... Non, c'est pas un peu, c'est notre rôle. En fait, c'est la charge que s'est mise le relais en tête de faire, quoi. Si je peux rebondir là-dessus, je dirais la prison crée de la souffrance dans le chef du détenu, mais cette souffrance, en pratique, se répercute sur la famille, sur ses proches, sur son épouse, ses enfants, et c'est toute la société qui pâtit au bout du compte. Et puis, comme vous faites partie du relais parents-enfants, on peut aussi parler des enfants. Est-ce que si c'est en majorité des femmes qui maintiennent et qui veillent à ce lien familial, qu'en est-il des proches des femmes détenues ? Est-ce que vous avez connaissance de cas où des mères qui sont détenues ne voient plus leur enfant parce que le père n'a pas justement pris en charge ce maintien du lien ? En fait, il faut savoir que dans le cas où c'est papa qui est détenu, c'est en général les 85% des enfants sont pris en charge par la maman. Mais par contre, ces statistiques en fonction des prisons de femmes détenues sont inversement proportionnées. C'est-à-dire qu'en fait, les trois quarts des enfants sont placés quand c'est la maman qui est détenue, vu que la charge de grandir l'enfant est quand même encore maternelle au XXIe siècle. Donc ces enfants sont particulièrement vulnérables. Il n'y a pas de programme spécifique de prise en charge. Un enfant placé n'est pas un enfant qui va bien. Il y a des familles d'accueil qui se battent pareil. Je pense qu'on les entend régulièrement au téléphone. Il y a une vraie souffrance. Et donc, il n'y a que 15% qui se retrouvent soit chez papa, soit chez les grands-parents en général. Donc, c'est de nouveau une relève féminine qui va se mettre en place. Et ces enfants-là ont besoin d'être pris en charge. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, les enfants peuvent rester intramuros jusqu'à l'âge de 3 ans. Et donc, dans ces cas-là, nos psychologues interviennent et essaient de parler aussi avec les femmes, les mamans, en fait, parce que l'on peut dire détenues, mais ce sont des mamans avant tout pour nous, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de vos proches en prison. Moi, je voudrais parler de vous et de la souffrance aussi de l'image, en fait, que la société vous donne. Maïté, tu disais, on est jugé en tant que proche de détenus. On ne nous respecte pas, on nous juge. Donc, il y a un stigmate social très fort qui pèse sur les détenus et aussi sur les proches des détenus. Quand on fait la file en prison, on a tellement de temps à perdre, finalement, qu'on parle beaucoup entre nous. Il y a plein de mamans qui sont tellement insultées qu'elles doivent déménager chaque année. Elles doivent continuellement changer leurs enfants d'école parce qu'ils se font insulter. Et j'ai envie de dire, l'enfant n'est pas mauvais de naissance, donc il imite clairement ses parents. Sur les réseaux sociaux, ce sont encore des insultes et des insultes. Et donc, il y a un moment où, finalement, les familles n'osent même plus se montrer à la lumière. Elles se cachent et on rentre dans nos trous comme des rats. C'est vraiment une réalité qui est assez dure à supporter. Et puis, comme la population se base souvent sur des gros faits divers qui sont relatés dans la presse, j'aurais envie de souligner qu'il faut quand même ne pas oublier qu'il y a une différence entre la réalité des choses et la vérité judiciaire qui s'inspire de cette chose, ce qui est totalement différent. Et j'ai beau essayer de l'expliquer aux gens, mais ça n'a pas l'air de passer. Et donc, au final, on est insulté, rabaissé, mis à l'écart, exilé. Et en plus, on n'a pas d'aide. Donc, je pense que le message que la plupart des familles et des femmes ont envie de faire passer, c'est aidez-nous et faites quelque chose pour nos enfants. Et est-ce que tu peux, vu qu'on est quand même écouté par des milliers d'auditeurs aujourd'hui, justement repréciser cette différence ? entre réalité et vérité judiciaire? Quand des faits sont commis par une personne, il y a les faits en eux-mêmes et ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand il y a un procès, que ce soit aux assises ou au correctionnel, il y a des éléments matériels qui sont repris, mais il y a des choses qu'on ne sait pas toujours démontrer. Il y a des choses qui ont été dites ou faites sans témoin. Il y a des choses qui sont interprétées selon la loi. Et tous des éléments, ou même des mensonges, il faut quand même savoir que ce n'est pas parce qu'on est un acteur dans le cadre d'un procès ou de la justice qu'on n'en est pas moins humain et donc corruptible. Et donc plein d'éléments qui font que finalement, ce n'est pas parce qu'une personne prend X années pour tel fait qu'une autre personne qui n'a pas commis la même chose n'aura pas une peine différente. Et on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi ni comment, mais je pense que la justice, et en tout cas un procès, c'est une perpétuelle pièce de théâtre avec des acteurs qui ont continuellement les mêmes rôles. Et finalement, c'est une roulette russe. Est-ce que vous êtes aussi, comme Joey et Jérémy s'en inquiétaient, victime de ce qui se passe en prison, des règlements de compte en prison? Est-ce qu'à l'extérieur, en fait, vous êtes parfois menacé pour des situations qui se passent à l'intérieur des prisons? Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai entendu, oui, j'ai quelques connaissances qui m'ont dit, oui, qui se sont fait menacer par rapport à certains problèmes que leur compagnon ou leur mari avaient à l'intérieur de la prison avec d'autres personnes. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. L'été dernier, juste après la grève, je ne sais pas si c'est parce que c'était une atmosphère assez particulière, mais il y a eu deux jeunes filles qui ont attrapé une dame plus âgée et qui l'ont frappée, lancée au sol et donné plein de coups de pied pour un règlement de compte qui finalement ne regardait que les deux détenus masculins qui se trouvent à l'intérieur. Donc il y a souvent des scènes de violence, il y a des interventions. Donc en un coup, on voit circuler ce qu'on appelle le petit train bleu, donc tous les agents pénitentiaires qui débarquent d'un coup dans une zone de la prison. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a des enfants qui sont témoins de ça. Donc moi, personnellement, je me base un peu sur La Vita est belle, là, le film. Je prends mon fils, je m'en vais au fond de la pièce et je joue un petit peu à la maman bête qui regarde par la fenêtre et qui ne fait pas attention au reste. Mais il y a pas mal de violence. J'ai plus remarqué, à chaque fois que j'y suis allée, parce que mon compagnon est allé dans plusieurs endroits, c'est plus des problèmes, pas entre détenus et visiteurs, c'est plus des problèmes entre visiteuses qui se passent au moment des visites en salle, pour des choses toutes bêtes, parce que, par exemple, une fille a regardé son mari, ou certaines fois, c'est arrivé que ça finisse en bagarre et que les personnes partent avec la police. Ça, c'est arrivé plusieurs fois et dans plusieurs endroits carcérales où je suis allée. L'autre versant aussi, c'est une belle solidarité. Myriam et Maïté, vous m'avez expliqué que vous êtes rencontrées dans la file d'attente pour les visites. Oui, oui. Oui. Est-ce à l'arrêt de bus, peut-être pas spécialement. Enfin, oui, déjà en file d'attente, mais on a fait connaissance plus. Et ça aide, j'imagine, de pouvoir parler à quelqu'un qui comprend exactement la situation qu'on vit. Ah oui. Quand on vient de débarquer, on se sent un peu honteux et c'est comme ça. Un intrus dans ce milieu qui finalement fonctionne tout seul et on est ajouté comme un mécanisme en plus. On a l'impression de déranger puisque personne ne nous adresse la parole et ne nous aide. Du coup, on se tourne les unes vers les autres. Et puis, il y a un moment où, à force de revoir toujours le même visage, on se dit, tiens, elle, je vais peut-être pouvoir lui parler parce que elle vient en mêmes heures que moi. Son fils ou son mari a l'air de connaître le mien. Donc il y a un moment où on ose se parler, mais pas la première fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, grâce à Maïté. C'est la connaissance de Maïté. Ça me fait plaisir d'être ici et pouvoir parler un petit peu de tous ces problèmes, parce que moi je suis vraiment toute seule avec ça. Seule et invisible. Et on vous écoute pas. Et honteuse. Finalement, il m'a enlevé ma dignité, mon fils. Quand je lui disais tes bêtises, Yacine, c'est moi. Il me dit non, maman, c'est moi. Je dis non, toi, c'est moi. Si toi, tu vas pas bien, moi, je vais pas bien. Si tout est bêtise, c'est moi. C'est moi dans la société. Aujourd'hui, j'avais tout, j'ai tout perdu. Mais vous restez à ses côtés, coûte que coûte. Oui. Qu'est-ce que J'ai vendu, je vous dis, j'ai tout vendu. La fin du mois, je suis à la rue, mais je continue à aider mon fils. Puisqu'il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre. Une aventurière et une guerrière, même. Oui. C'est aussi une chanson qui pourrait correspondre aux réalités des mères et des femmes détenues, vu que ça s'appelle Marie Courage, Marie Colère, une chanson de Marie Laforêt. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'aiderai, jadis 100 000 fois sur tous les temps. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles. Aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prend garde. Bien sûr, me connaître mieux que personne. Marie colère est maintenant là devant toi. Marie douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Souhaiteriez changer pour que ces relations familiales soient facilitées, soient vécues plus dignement, dans le respect de vos proches et pour vous aussi, Maïté ou... Déjà, être considéré comme un être humain, parce que quand on s'adresse à un agent en entrant bêtement dans la prison et qu'on lui dit bonjour avec notre plus beau sourire, même si on va mal... et qui ne nous regarde pas une seule fois dans les yeux tout en nous balançant un papier au visage, pour moi, ça veut déjà tout dire. Quand on arrive en visite et que notre fils ou mari ou peu importe n'a plus de nom, il a un matricule, pour moi, c'est une belle preuve de déshumanisation. Et, moi, la première fois, j'ai été choquée et j'ai directement pensé au numéro de confrontation, pardon. Donc, moi, ce sont j'ai été très choquée de tout ça. Et donc, déjà, si on pouvait être considérés comme des êtres humains, ce serait déjà énorme. Mm-hmm. Et que nos enfants cessent de souffrir de ça. Myriam, un petit souhait ou un grand rêve? C'est qu'il ait au moins suivi, qu'il ait un suivi psychologique. Qu'on puisse l'aider, il n'y a rien, enfin voilà, quoi, je ne sais pas ce qu'on peut faire, il comprend plus rien, il comprend pas, sa bêtise, ça ne sert à rien qu'il soit enfermé 24/24 pour tourner autour d'une table, il ne comprend pas, C'est plutôt la haine que je suis obligée d'essayer d'apaiser, puisqu'il n'y a que ça. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre en dehors de ça? La télé, il en a marre, lire... Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, j'aimerais qu'il ait suivi, tout simplement. Dernièrement, il me dit qu'il a... Alléluia, qu'il a été suivi par... Enfin, il y a une assistance qui l'a fait venir dans son bureau. Malheureusement, c'était pour lui refaire son procès. D'ailleurs, j'ai écrit un recommandé pour essayer de rencontrer ce directeur de la prison avec cette assistance qu'il fait venir dans son bureau pour lui refaire un procès. Une assistance sociale, c'est censé essayer d'aider un petit peu, donner un peu d'ouverture à son... de positive. Et moi, j'essaye. Heureusement que je suis là, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Depuis 6 ans, je me répète, rien du tout pour essayer de lui donner un pied dehors. Nadia, vous, qu'est-ce qui vous aiderait à ce que vos visites quotidiennes ou hebdomadaires, je ne sais pas à quelle fréquence vous allez en prison, qu'est-ce qui vous aiderait à les rendre plus agréables? Ce serait bien déjà qu'il le transfère un peu plus près de la maison. Parce que je vois où il est, je dois quand même prendre le train. De la gare jusqu'au centre carcéral, il n'y a pas toujours des bus. À pied, il faut compter à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Donc même s'il fait la demande, c'est refusé. Parce que il a des antécédents de non-réintégration et tout ça. Donc ils ont toujours peur... qui recommence malgré qu'il a beau dire qu'il a envie de tout stopper, de recommencer tout à zéro. Malgré ça, ils ont toujours peur qu'il recommence ou qu'il s'évade ou quoi. Donc c'est vrai que s'il pouvait écouter un peu plus, et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait aussi plus de suivi après la libération. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de suivi en tant qu'incarcéré. Mais quand ils sont libérés, c'est encore pire. À l'extérieur, ils sont suivis, disons quoi. Quand ils ont des conditions, on leur donne quoi, 1 mois, 2 mois de suivi. Et par la suite, on les laisse tomber et c'est reparti. Ils retournent dans un cercle infernal. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas. Et puis psychologique aussi, parce que le milieu carcéral, qu'on ait fait 1 an, 2 ans ou ne serait-ce que 6 mois, c'est quand même assez perturbant. Donc j'aimerais qu'il y ait quand même beaucoup plus de suivi par rapport à ça et qu'ils arrêtent de changer les lois constamment. Un coup, on vous dit, si vous avez fait moins de 5 ans, hop, vous pouvez être libéré avec un bracelet. Un an après, ils rechangent les lois. Maintenant, c'est des nouvelles lois, c'est-à-dire une semaine dehors, une semaine à l'intérieur. C'est vrai, ça serait bien que ça arrête de constamment changer de façon à ce que le détenu puisse faire des projets concrets pouvoir être libéré la tête haute et concrètement, quoi, en fait. Surtout que parfois, en fait, il doit faire juste 1 an de plus parce qu'il manque un papier ou une signature sur un papier. Et vous, vous devez chaque fois vous mettre au courant de tous ces changements administratifs, de tous ces changements légaux. À nouveau, là, vous êtes... Comment vous faites? Vous êtes seul face à tout ça? Ou entre vous, vous donnez des conseils? Ou vous avez... par exemple, le SAJ, le service d'aide aux justiciables, peut vous aider aussi dans ce labyrinthe Rien du tout. Il n'y a personne qui nous aide. Comme je vous ai expliqué, moi, si mon compagnon ne m'explique pas ce qui se passe ou quoi, je ne suis pas au courant. Mais pour l'aider, c'est moi qui lui fais rentrer les papiers. S'il doit chercher une formation, c'est moi qui fais toutes les démarches de l'extérieur et qui lui rentre à l'intérieur pour accélérer les choses, parce que sinon, ça ne bouge pas. On abordait avec Myriam, Nadia et Maïté les alternatives, ou en tout cas les petites choses qui pourraient tout simplement améliorer une visite en prison. J'ai posé cette même question à Stéphania Vérini et Martin Dubois. Qu'est-ce qui pourrait améliorer, selon vous, les visites des enfants à leurs parents, vu que vous faites partie du relais enfants-parents? Alors déjà, il faut savoir que les visites avec le relais sont beaucoup plus « cool », entre guillemets. Donc il y a moins cette tension dont parlait tout à l'heure les femmes et mamans détenues. C'est-à-dire que les papas peuvent jouer, ou les mamans, avec leurs enfants, courir à 4 pattes, jouer au ballon, faire du tricycle. Donc déjà, il y a cette ambiance-là, en tout cas, pour ce qui concerne notre ASBL. Pour ce qui concerne l'amélioration, évidemment, une sensibilisation des gardiens à la situation des familles et aux enfants. Il y a l'éloignement. Donc au fait, on ne se rend pas compte, mais elles en ont parlé aussi, les mamans, mais... C'est déjà épuisant pour un adulte, mais imaginez pour un enfant de 2 ans ou de 4 ans de devoir se taper 2h30 pour aller voir papa ou maman le mercredi après-midi, c'est quand même compliqué. Et aussi pour moi, il y a évidemment la systématisation de la prise en charge de ces enfants qui n'ont pas de mots. Et en fait, ils protègent leurs parents, hein, donc ils ne vont pas parler. Et je pense que ce serait important, effectivement, qu'il y ait quelqu'un de bienveillant autour d'eux. Donc notamment, soit notre ASBL, mais d'autres psychologues bienveillants, neutres. C'est vraiment un point important. Et Martin, tu voulais ajouter ? Oui, comme l'expliquait Stéphania, il y a énormément de travail à faire. Il faut savoir que nous, au Relais Enfants-Parents, nous fonctionnons avec, sur le terrain, 4 équivalents temps plein et demi, 4 percées et demi. On estime entre 12 000 et 20 000 enfants qui ont un parent détenu en Belgique. On ne sait pas très bien, il n'y a pas de statistiques fiables. L'année dernière, on s'est occupé de 1 500 enfants. Alors nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent, payer des gens, former le psychologue et engager plus de monde et faire plus de boulot. Il faut savoir aussi qu'on nous demande d'intervenir, ce sont les magistrats qui nous demandent d'intervenir, les tribunaux, c'est l'administration qui nous demande d'intervenir, l'État en gros. Et on est payé à la prestation, mais il y a de nombreuses prestations pour lesquelles nous ne sommes pas payés. Et nous travaillons bénévolement, la plupart du temps. Un refinancement et un accompagnement, c'est ce qui semble se dire autour de cette table. On est au Brassard, en public, on ne l'entend pas beaucoup, mais est-ce que ce public a des questions à poser aux personnes qui sont ici autour de cette table ? Moi j'avais une question, puisqu'on parle du rapport des familles en prison. Est-ce que vos proches, au début de leur incarcération, ils vous racontent leurs conditions de détention ? Est-ce qu'ils osent en parler en famille avec vous quand ils sont les premiers temps incarcérés en prison ? Et quel rapport ils entretiennent avec ça ? Est-ce qu'ils sont pudiques ou est-ce qu'ils disent « cache les choses » ? Moi, personnellement, je dois continuellement gratter pour savoir ce qui se passe derrière, parce que quand on a une visite, on essaie d'en faire une bulle privée, même si on est 40 dans la même pièce. Et donc, ils ont envie de parler d'autre chose et de s'évader. Et donc, régulièrement, ils ne l'abordent pas de lui-même. Mais on sent au fond du regard qu'il y a quelque chose de brisé, on sent dans l'attitude ou la gestuelle que ça ne va pas, et donc on doit un peu le secouer pour avoir des réponses. Oui, et moi, c'est vrai qu'il m'a caché beaucoup, mon fils, pour ne pas m'inquiéter beaucoup plus que ça, mais moi, j'étais très inquiète parce qu'il faut savoir qu'il avait 20 ans, tous ses organes touchés, donc... Imaginez-vous, avec tous des grands adultes. D'ailleurs, j'ai dû intervenir au départ. J'ai essayé d'intervenir et écrire au directeur pour essayer de le faire changer de cellule, puisqu'il était avec des types de très âgés avec lui. Imaginez-vous que moi, j'étais très inquiète en tant que maman. Oui. Et il est assez pudique et il essaye de ne pas trop m'inquiéter. Et donc, il ne me dit pas tout. Il cache les choses. Moi, me concernant, au début, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je vais le voir en prison, ça fait quand même un peu plus de 10 ans, disons qu'au départ, il n'osait pas trop m'en parler pour pas trop m'inquiéter, parce que bon, c'est vrai, comme dit Myriam, au départ, ils veulent pas trop nous inquiéter, pas trop nous faire rentrer dans leur milieu, ils veulent plus s'évader. Mais maintenant, je m'aperçois que oui, il a plus tendance à me raconter les petits problèmes qu'il a avec certains détenus, quand il s'entend pas avec une personne ou quand il s'entend bien avec une autre, ce qui se passe. Oui, il a plus maintenant, il me parle plus souvent de ce qui se passe au milieu carcéral qu'avant. Une autre question du public ? Mais justement, vous dites que ça fait 10 ans, 6 ans, enfin, c'est un investissement temporel conséquent. J'imagine que vous passez par plein d'émotions, par plein de phases différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on craque ou on ne craque pas, on continue ? Alors, il y a des rapports amoureux, filiales, mais j'imagine que ce n'est pas stable. Enfin, c'est comme tous les sentiments, il y a des vagues. Qu'est-ce qui vous tient aussi longtemps ? Ben moi, en ce qui me concerne, vis-à-vis de mon fils, ce qui me fait tenir depuis 6 ans, c'est l'amour, et c'est l'amour que j'ai envers mon fils, et aussi en tant que femme, vis-à-vis d'un jeune, je trouve scandaleux, tout en sachant qu'il est coupable, mais je trouve scandaleux de ne pas donner une autre chance à des jeunes. Ils ont fait des bêtises, il a fait des bêtises, il doit payer sa dette, mais rien n'empêche qu'il y a encore... D'ailleurs, il me l'a dit la semaine dernière, « Maman, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai la vie qui m'attend derrière. » Donc il a envie de faire plein de choses, il aime la vie, il a envie. Mais il ne faut pas trop me le casser, on me l'a déjà cassé pas mal, et on continue à me le casser, donc j'aimerais bien quand même, depuis ses 20 ans, qu'on lui donne une chance. Et c'est dans le sens-là, moi, j'ai confiance en mon fils, je sais qu'il a le cœur blanc, malgré ses bêtises. Et il était dans une bulle, il est réveillé aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je suis là, parce que si je ne suis pas là, imaginez-vous pour vous la société. Donc j'y pense aussi. Il y a aussi le dialogue. Le dialogue, c'est très important. On se soutient énormément parce que même si lui, il est de l'autre côté, moi, à l'extérieur, il y a aussi les problèmes de la vie extérieure. Hein. C'est pas évident, hein, déjà, de se retrouver toute seule. À l'époque, les enfants étaient petits. Ma fille avait 2 ans et demi. Donc, je me suis retrouvée avec les 4 enfants, toute seule au début. Il y a eu énormément de soutien d'un côté que de l'autre et beaucoup de dialogue. Et c'est ça qui nous a fait tenir autant d'années. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est énormément dur moralement, psychologiquement, c'est certaines fois très dur. Ouais. Pour tous les deux. Mais nous, par exemple, une chose qui nous fait vraiment tenir, c'est ce que je disais tantôt, c'est l'humour et l'amour. Parfois, quand on est en visite, on essaie de s'imaginer qu'on est à l'extérieur. Alors, on s'invente des petites scènes comme ça en se disant bah, « Tiens, on est dans un resto, il y a du monde, il parle un peu trop fort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander au serveur qu'il baisse d'un ton ?» Ou « Mais enfin, t'es insortable, on revient, je ne te sortirai plus ici. »« Oui, mais enfin, c'est moi qui paye l'addition. » Enfin, des conneries comme ça, mais on essaye de rire. Et parfois, les agents sont étonnés de nous voir comme ça de l'extérieur parce qu'on dirait un couple de 14 ans un peu bête. Mais voilà, on a besoin de ça vraiment pour tenir, parce que sinon, ça n'irait pas. Merci beaucoup, Myriam, Nadia et Maïté. C'est ici que se clôture notre émission. Elle continue au Brassard avec le public. On peut continuer à parler autour d'une bière, et une bière, l'illégale, qui a été brassée pour cette journée nationale de la prison. Rejoignez-nous, auditeurs, auditrices, si vous voulez poursuivre la discussion. Merci à Stéphania Perini et Martin Dubois, du relais enfants-parents. Je vous renvoie à leur page Facebook. Ils ont besoin de soutien et de pognon, ils l'ont dit. Hein. Je rappelle aussi ce livre de Maïté Lone, donc témoignage d'une femme de détenue. Ça s'appelle Une fenêtre entre deux murs. Il vient de sortir aux éditions du Rapois. Vous pourrez poursuivre un peu cette heure de témoignage que vous avez entendue ici. Merci à Igor pour la technique. Merci à Zoé Jadoul, à Kathleen Zurny, Marie-Ève Merckx pour leur aide et leurs réflexions en amont. Qui d'autre? Merci Mélanie. Mélanie de la CAP, en effet, le Brassard. Vous tous, public ici présent et concentré sur cette deuxième heure d'émission, ça nous a fait plaisir. Les journées nationales de la prison, ça continue, ça ne fait même que commencer. C'est jusqu'au 28 novembre avec un tas d'événements. Je ne vais pas vous faire la liste ici, mais vous renvoyez le site www.jnp-ndg.be. Je crois que j'ai tout dit. Et on espère vous voir très nombreux à tous les événements qui vont ponctuer ces journées. Merci à toutes et tous. Nationales sont là pour nous le rappeler. Cette année, elles s'intéressent aux personnes enfermées. Même les plus proches sont trop souvent oubliés. Malgré que beaucoup subissent les conséquences des gens incarcérés. Vas-y, faut en parler. En Belgique, plus que 76 000 personnes touchées pensent à eux avant de nous enfermer et nous mettre des putains de préjugés. Les prisons, parlons-en. Les journées nationales de la prison, il est temps d'en parler. Ouais, vas-y. Attends, je vois. Les JNP, c'est quoi? Les journées nationales de la prison travaillent à la prise de conscience collective de la situation carcérale en Belgique. Cette année, on s'intéresse aux détenus et leurs proches dont on parle trop peu souvent. Curieux, envie de vous investir, une idée à partager? Parlons-en du 18 au 28 novembre, tout le programme sur le site www.jnp-ndg.be ou le Facebook Journée nationale de la prison. Nous avons encore une question dans le public. Chère madame, comment vous appelez-vous? Mathilde Bernadac. Quelle est votre question? Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'ils vous écoutent? Les détenus vous écoutent, vos maris? Heureusement qu'ils m'écoutent, parce que c'est grâce à ça, ma fusion avec la, notre fusion, et c'est ça qui le maintient. Quoi. Je lui donne la force de tenir, et donc il m'écoute. Ben, moi, il aurait bien aimé m'écouter, mais il n'a pas de radio dans sa cellule. Mais il est au courant, il est au courant que je passe à l'émission. Mais il n'écoute pas Radio Campus ? Ben, je... Si, il va écouter à partir d'aujourd'hui, quoi.